Le groupe de recherche musicale de la Radiodiffusion Télévision Française vous présente aujourd'hui l'objet musical. Maintenant que vous avez tout démoli, Pierre Schaeffer, il s'agit de reconstruire. Et je vous attends à l'œuvre. Oh, tout démoli. Eh oui, le son n'a plus ni hauteur, ni timbre, ni durée. Vous m'avez déjà dit ça la dernière fois. Je sais, mais je mettais mes espoirs dans l'électronique. Cette panacée universelle d'une civilisation technique. Et à vous entendre, l'électronique dans la musique, c'est un peu l'éléphant dans la porcelaine. Doucement, mademoiselle, vous allez ruiner en quatre mots des années de diplomatie. Eh bien, si vous croyez qu'avec vos bruits, vous ne la cassez pas, la porcelaine... Ah, de quelle humeur vous êtes aujourd'hui? Rien à grâce à vos yeux. Oui, tout bien réfléchi. J'en ai assez de vos nouveautés, concrètes ou électriques. Vive le quatuor et l'orchestre symphonique, les contraltos, les violoncelles... Et à la rigueur, le xylophone. Eh bien, je m'associe à vous, Viva. Vous êtes la cinquième roue au char de la musique. C'est pas très gentil, probablement pas exact. Peut-être suis-je une roue motrice. Quelle prétention! Vous aurez le sort des bruiteurs italiens. Voilà 50 ans qu'on ne parlait plus d'eux. Mais voilà 10 ans qu'on en reparle. Eux aussi prétendaient orchestrer les moteurs, faire jaser les glouglous. Les glouglous? Parfaitement. Je connais mes classiques. Luigi Russolo, l'art des bruits, manifeste futuriste 1913, paragraphe 3. Marmonnement, grommellement, renaclement, glouglou. Touchant essai de classification. Et en lettres capitales, écoutez-moi bien, nous voulons entonner et régler harmoniquement et rythmiquement ces bruits variés. Eh bien, c'est le soldat inconnu de la musique expérimentale, ce Luigi Russolo. Fermez le banc. Ce n'est pas dans la liste. Ne persiflez pas, mademoiselle, bruit de persiflement. Psss. D'ailleurs, j'avais parlé l'autre jour à un de vos amis, Jean-François Noël. Il était indigné. Il s'est mis dans une colère. Mais messieurs, quand j'entends l'inaudible et harmonie elle-même, mise en charpie des poitraillées ouvertes jusqu'au mystère, ce qui fait l'honneur ou la honte de vos musiques modernes, je vous le dis en vérité, c'est grave, c'est très grave ce que vous faites et vous vous attaquez à nos cellules nerveuses. Et comme un Lindbergh qui prolonge excessivement la pulsation du cœur des poulets morts. Est-ce que précisément, mes maîtres, vous ne songeriez pas, par le truchement des musiques de toute modernité, à relier l'homme à ses triomphes, à ses dominations, dont le concert de louange, dit-on, et au plus haut des cieux, ne déplaît pas à Dieu? On entendrait voler une mouche? Eh bien, enregistrez-la, messieurs! Un ange passe! Messieurs, à vos micro-sillons! Ce Jean-François Noël, c'est un excellent bruiteur. Ah, vous y allez un peu fort. C'est un de vos amis. Puisque vous amenez du renfort, je vais me permettre d'en faire autant. Et si vous croyez que je vais me laisser enfoncer, ouvrez bien les oreilles. Il barille l'océan, sa gavard, c'est aimé, Toritoban, la galée, Solofton. Sigmar, Tlorvé, Hydraès, Rofond, Assigny, Ronterpeuse, Adraïl, Océan, Orophar, Orophur, Orophir. Bailon, Citron, Gatterimno, Subalkei, Jerefe, Jon, Batanoxur, Evraes, Ipatergo. Rugur, Foloftoe, Paterillan, Signur, Orovo, Jassissarixir, Proten, Ibeon, Imonopte, Tariloxine. Torre, Bilon, Hug, Iractico. Torre, Bilon, Hug, Iractico. Qu'est-ce que c'est? Un poète étranger? Qui chante vos louanges? C'est Altagor, mademoiselle, prince des lettristes, duc des onomatopées. Qu'est-ce qu'il dit? Rien, mademoiselle. Lisez la carte de visite, Altagor, extramonde, discours phonique pur. Dois-je comprendre? Que ce discours n'est fait que de phonèmes, sans signification, certes, mais non sans musique, avouez-le. Cela prouve qu'il y a plus hurluberlu que vous. Merci quand même, mais cela prouve, mieux qu'une expérience de laboratoire et mieux qu'une démonstration électronique, mieux même que ne saurait faire l'éminent professeur Moll, qu'il y a une information sémantique et une information esthétique. Encore les grands mots. Aux grands mots, les grands remèdes. Il faut bien s'en sortir de ce malentendu du bruit et de la musique. J'en ai les oreilles rebattues pour ma part. Écoutez une bonne fois et vous ne pourrez être que convaincu. Je vous écoute. Si le discours d'Altagor ne contient aucun sens, admettez-vous qu'il ait tous les signes extérieurs du discours? Un simulacre, oui. Mieux qu'un simulacre, une identité rythmique, mélodique, prosodique et jusqu'aux tics les plus cocasses du comédien qui se prend au sérieux. Alors? Alors, puisqu'il n'y a plus de sens, ou en termes savants d'informations sémantiques, qu'est-ce qui reste? C'est pas le néant tout de même. C'est pas informe. Ce n'est même pas du bruit. Est-ce que c'est du bruit ? Non, ce n'est pas du bruit. Alors il reste les formes. Imitatives, certes, tout imprégnées de ce que nous avons appelé au début de ces entretiens un conditionnement. Il s'agit ici du conditionnement de la parole et de son résidu esthétique. Résidu esthétique ? Bizarre assemblage de mots. Oui, bizarre, parce qu'il faut cesser de confondre le terme esthétique avec un jugement de valeur comme beauté, agrément, émotion. Esthétique, dans ce cas, signifie qu'il n'a pas de sens. Signifie qu'il n'a pas d'utilité, qu'il ne transmet pas de message, comme dirait le professeur Moll. Ou plus exactement, message dont n'importe pas le contenu, mais seulement la forme. Et la forme, c'est quoi ? Eh bien, la forme... Bonne ou mauvaise d'ailleurs, exécrable ou valable, peu importe. C'est ce qui fait que le discours d'Altagore existe. Je ne dis pas qu'il est bon ou mauvais. Je dis qu'il n'est pas du néant. Je dis qu'il illustre de façon remarquable ce qu'on appelle l'information esthétique par rapport et par opposition à l'information sémantique. Mais enfin, quel rapport avec la musique ? Je vous ai dit que cet exemple nous permettrait d'élucider définitivement l'équivoque des bruits. Je voudrais bien savoir comment. Eh bien, un bruit, comme les mots du discours, apporte deux informations, l'une sémantique, l'autre esthétique, c'est tout. Je ne vois pas. Si, le grincement d'une porte amène une information sémantique. Il y a une porte qui grince. Bon, et une information esthétique, la forme, l'évolution, les caractères de ce grincement. Mais la musique... Heureusement, échappe à ce dilemme abominable. La musique n'échappe en rien à ce dilemme qui n'est pas abominable. Mais si, un violon, une chanteuse... Un violon, mais un violon dit d'abord « je suis un violon ». Bon violon, mauvais violon, dont joue un apprenti ou un virtuose. Mais c'est déjà de l'esthétique. Pas du tout, c'est encore du sémantique. Ce sont des renseignements sur la causalité du phénomène, tandis que même un mauvais violoniste se met à jouer du violon. Et alors un vrai musicien l'écoute et oublie tout. Et entend la musique, fausse note comprise, information esthétique. Et la chanteuse ? Oh, la chanteuse, c'est bien pire, c'est Madame une telle de l'opéra, un léger chat dans la gorge, des notes de passage difficiles, poitrinant ici, chevrotant là. Information sémantique. Et puis, tout à coup, j'oublie tout. Quelques-unes de ces notes m'ont fait pénétrer dans le domaine invisible. Il n'y a plus que forme, relation entre objets issus de cette dame, mais ne lui appartenant plus. Objet perdu, en somme. Eh bien, je suis très content de ce que vous me dites là. Les objets musicaux n'existent que lorsque sont des objets perdus, égarés, profondément éloignés de toutes ces causalités médiocres, parfois ridicules, mais dont la trace les suit, trace si touchante dans l'au-delà du monde des formes pures. Ça va pour la musique. Mais comment raccordez-vous ça à la musique concrète, électronique ? Tout à fait de la même façon. Tant qu'il reste une information sémantique importante, il y a mal donne. C'est seulement dégagé du contexte causal que l'objet devient musical. Est-ce que vous êtes abstrait ? Voici un échantillonnage où il se dégage du contexte causal des objets d'une suffisante information esthétique, il me semble. D'abord, les objets traditionnels de l'orchestre. Après ces exemples, des objets empruntés au domaine concret. Objet itératif maintenant. Puis grosse note. Autre grosse note, mais cette fois du domaine électronique. Impulsion de caractère rythmique. Huit notes complexes, également électroniques. Après tout, ces exemples ne sont pas convaincants. Au contraire, ils révèlent une appellation d'origine, l'univers des sons musicaux, l'univers des sons concrets ou celui des sons électroniques. Eh bien maintenant, faisons un effort. Essayons de les ramener à un dénominateur commun et de faire oublier leur origine. Par des déformations, des trucages. Non, ce serait trop facile. Comprenez bien le problème. Un violon est toujours un violon. Il n'y a ni trucage, ni déformation. Et pourtant, quel est le premier objectif de la musique et du musicien ? Objectif peu connu des compositeurs, parce qu'ils font ça instinctivement. c'est de faire oublier l'existence du violon. Certes, c'est paradoxal. Vous allez mieux comprendre. Nous allons faire des exercices de style, si vous voulez. Vous savez ce que c'est qu'un son pincé ou pids, un son appuyé, un son filé. Qu'est-ce que c'est déjà, un son filé? Un son filé commence piano, s'enfle, crescendo, puis décrescendo et termine piano. Ah oui. Que diriez-vous d'un exercice où nous nous imposerions d'exécuter à l'image des sons musicaux de l'orchestre de tels sons, soit d'origine concrète, soit d'origine électronique? Admettriez-vous que si nous y parvenons, nous franchissons un pas décisif, le pas qui sépare l'information sémantique de l'information esthétique? Serge, je l'admettrai si je suis convaincue. Eh bien, nous allons essayer de vous convaincre. Voici, dans les trois domaines, pids, son appuyé et son filé. Domaine traditionnel, violon. Pids, appuyé, son filé. Maintenant, dans le domaine concret. Pids, attaque appuyée, son filé. En électronique, série de pids, appuyé, enfilé, oui, je suis convaincue, mais un peu déçue. En somme, vous ne faites qu'ajouter à la musique, vous n'innovez guère. Faisons pas tout à la fois, s'il vous plaît, c'est un exercice d'école, un cahier de bâton. Nous pouvons aller plus loin. Nous entrons alors dans le solfège. Avant d'entrer dans le solfège, pouvez-vous me convaincre mieux encore? Et de quoi donc? Que vous pouvez franchir ce pas. Ce pas qui sépare le sémantique de l'esthétique. Eh bien, pour ça, il faudrait que vous entendiez quelques sons qui ne proviendraient pas d'instruments d'orchestre, mais qui ne soient pas des bruits non plus. C'est-à-dire que l'élément formel dans ces sons l'emporterait sur leur origine causale. Oui, ça doit être ça que je voulais dire. Vous voulez des sons électroniques ou concrets? Électronique, c'est trop facile. Pourquoi trop facile? Eh bien, parce que l'électronique triomphe dans l'abstraction. Vous avez dit que c'était les nombres purs. Mais ne croyez-vous pas que les sons électroniques gardent eux aussi leur petite carte d'identité électronique? Oui, c'est vrai. Et les vôtres n'ont pas de carte d'identité? Mais si, bien sûr, mais ni plus ni moins que c'est les instruments de musique. Faites entendre un peu. Voici d'abord deux sons de forme composite, c'est-à-dire formés de deux parties successivement assez distinctes. Le premier... second composite un peu plus discret. Trois notes brèves maintenant dont la complexité est instantanée. Et maintenant, deux attaques assez complexes. Puisque vous attachez tant d'importance à la forme, je comprends mieux le terme que vous avez si souvent à la bouche. Morphologie. Qu'est-ce que la morphologie des sons? Eh bien, ce serait à vous, me semble-t-il, de savoir répondre à présent. Bon, mais je vais essayer pour vous faire plaisir. Ce serait l'étude alors des formes sonores indépendantes des instruments qui les produisent, qu'ils soient classiques... Oui, ou exotiques, électroniques... Ou même qu'ils proviennent de bruits naturels. Eh bien, parfait, voilà une excellente définition de la morphologie. Et le mieux serait de l'appliquer, pour commencer, aux sons musicaux les plus classiques pour bien démontrer combien le phénomène instrumental a jusqu'à présent masqué, dans les sons les mieux connus, l'aspect morphologique. Oui, ce que vous disiez tout à l'heure, les objets musicaux doivent être des objets perdus. Perdus par qui déjà? Perdus par l'instrument, éloigné des causes. Dans une première série, vous entendrez des violons, un cor, trombone, etc. Et vous aurez du mal à percevoir l'aspect morphologique parce que vous entendrez surtout du violon. Dans la série suivante, au contraire, la morphologie vous aidera à vous repérer parce que vous ne reconnaîtrez pas les instruments. Prenons la première série. D'abord, le même violon, mais donnant des objets extrêmement différents. Rien n'est si différent qu'une tenue de violon dans l'aigu, par exemple, et un pids. De même, le cor sans filet s'oppose au cor sforzando ou au trombone sforzando. Un pincé de guitare s'oppose aussi au sifflement du violon et à l'épaisseur d'un piano grave. Ainsi, les instruments traditionnels délivrent-ils des objets parfois contradictoires? Au contraire, lorsque les causalités sont secrètes ou du moins discrètes, les éléments morphologiques vont servir de guide pour approcher les objets autrement inclassables. Nous allons prendre cette liste morphologique. La morphologie consiste donc à savoir décrire un son en oubliant toutes ses origines, en le décrivant pour lui-même. Première question qui se pose est de savoir comment il commence, comment il se poursuit et comment il finit. Voici d'abord trois sons qui mettront en évidence cette morphologie. Le premier son parce qu'il y a une morphologie très calme, début, milieu et fin se ressemblent étrangement. Second son parce que son début est compliqué d'une glissade mélodique. Et troisième son parce que son attaque est explosive, comporte une dissymétrie dynamique. Pour mieux me faire comprendre, ces trois sons provenant de toute évidence de trois corps sonores différents, prenons le même corps sonore et voyons que le même corps sonore peut donner des objets différents. L'un, par exemple, assez bref, l'autre, mettons, normal, et le troisième d'un timbre tout différent, beaucoup plus aigu. Précisons encore cette notion de morphologie en écartant ces factures d'objets trop différentes. Prenons au contraire un objet tout à fait semblable à lui-même, mais dont nous allons étudier la forme de plus près. Le premier parce qu'il sera plus bref, le second parce qu'il sera plus prolongé, le troisième parce qu'il sera, par exemple, plus renflé, et le quatrième parce que sa chute sera très brusque. Ces quatre objets qu'on va entendre ont tout en commun, sauf précisément ce tracé, cette forme pure qui les différencie. On peut se livrer, pour l'étude morphologique, à une véritable vivisection des sons. Nous verrons que cette vivisection du son n'est pas sans danger, parce que chaque fois on a affaire, bien entendu, à un objet nouveau. Pour les objets de morphologie aussi simple que possible, elle se décompose par coupure des sons en trois parties, en attaque, corps et chute. Voici la découpure de l'objet sonore le plus simple du point de vue morphologique dans ces trois éléments. Si j'ai bien compris, après avoir écouté très attentivement, ces exemples m'apparaissent comme les bases de l'enseignement de la musique concrète. Pas seulement de la musique concrète, mademoiselle. Le mot concret est désormais plutôt la marque d'une étape historique ou si l'on veut d'une position de principe. Mais cette méthode est applicable à tout objet musical, aussi bien objet traditionnel qu'électronique. C'est une méthode valable pour la musique universelle. C'est le début d'une discipline que nous proposons d'appeler désormais la musique expérimentale. La musique expérimentale serait donc le bureau des objets perdus. Et retrouvés. Oui, il va falloir les retrouver. Et vous demandez comment? Pas vous. Cette question m'a longtemps, en effet, laissé sans réponse, mais autrefois, vous savez, c'était facile. Pour écrire de la musique, on écrivait des notes sur une portée et chaque instrument était chargé de les jouer. Oui, évidemment. Tandis qu'à présent, les notes sont devenues objets innotables et les instruments injouables, voire même indésirables. L'horizon, en effet, s'assombrit, mais j'aperçois les éclaircies, et ce serait toute une nouvelle excursion. Nous la remettrons, si vous voulez bien, à huitaine. Le groupe de recherche musicale de la radiodiffusion télévision française vous a présenté l'objet musical. La semaine prochaine, à la même heure, expérience numéro 6 de l'expérimentation à l'esthétique.